La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons. Plein de fleurs, protégez ce que j'aime, Santa Maria. Donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur. La statue a des amoureux pleins de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle de tous ces gens venus pour croire. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons. Plein de fleurs, protégez ce que j'aime.